Clarisse. Sur vous, mes yeux se vissent, la tête me tourne et se dévisse. Elle tombe, roule, queen, Chris, et pleure comme vache qui pisse. Clarisse, mentez, jouez comme une actrice. Je m'inclinerai, dévoué à vos caprices. Paillasson, serpillère, moquette, novice. Je lâcherai vos pieds comme la goutte sur le calice. Clarisse, is Clarisse. Clarisse, si nous trinquions au pastis, les yeux luisants de malice, les bouches noires de réglisse, les rires éclatants comme des feux d'artifice. Clarisse, regardez le ciel s'irise à la lumière, vos yeux se plissent. Vous voulez que je vous rende un service? Ôtez mes mains de votre coccyx. Clarisse, is Clarisse. Clarisse, en moi, les mois se hissent. Permettez ma main sur votre cuisse qui de haut en bas et de bas en haut glisse. Sur votre peau, les poils se hérissent. Clarisse, si j'osais, je murmurais à votre clitoris des mots inspirés, couleur d'iris, lui rompu à la langue, aux doigts et au pénis. Baignerait dans une joie complice. Clarisse, is Clarisse. Clarisse, j'attends que le ciel vomisse des arcs-en-ciel, des nuages lisses, de la lumière pour un bel été, un bel azur dans mon cœur vidé. Clarisse,